Ok. C'est l'intro. Raerti Nenusa 835. J'ai la dalle quand je débarque sur le BEAT. Ouais. T'mets tes coups de BATTE dans la tête. Néné, pourquoi tu me têtes? Vas-y, tais-toi. Et laisse-moi faire ce que je veux, mec. Né, y'a tout dans le game. Car on allait croire que ça fait 10 biches qu'on n'a pas graillé. Prêt à te griller pour un bout de cuisse. Glisse sur l'instru, mec. J'élimine mes ennemis et j'illumine ma team. Nique les Illuminati. Clic d'or, c'est le groupe à écouter. Dégoûté des autres MC. Et j'insiste, ça sert à rien de résister. À mes punch perforantes, la rentrée profond à fond dans les RAP. J'suis venu tout incendier, manier le mic, c'est mon addiction. Addict, j'le suis, antique aussi. On m'a collé une étiquette de mec qui veut tout chicoter, mais j'brille comme une pépite dans de la chicorée. En procès avec les gardes-côtes, car j'ai trop de flow. J'mets des coups et j'te casse les os, gros. S'il y a un micro ouvert, j'y vais. T'inquiète, j'vais pas le cramer, t'es rassuré. OP, j'suis chez moi, un hockey. Je veux mal tourner et se retrouver en KO. Deux facettes, se retrouver en KO. Nique les Illuminati, pourtant je dors sur qu'un œil. Souvent puis die, peut-être parce que j'ai pas fait deuil. En tout cas, suis hard, besoin de pilon dans une ferris. Là, une note pour écrire, je ris la mode vie stressant, je vais pas dire oui, lac. Si j'ai la possession, mon flash te relance dans l'axe. Suffit d'un buzz pour attirer plein de gourmandes comme Axe. Chocolat, moi je préfère le vice, remplace par vice. Jouage avec les mots comme les mômes avec la balle. Elle est dans mon sang, paraît-il, faut pas que je la laisse rétire là-bas. S'il y a des sous à faire dans le son, j'ai qui faire croquer la base. Faut une forte conce, hardtox. Suis musulman donc mes pratiques sont peu orthodoxes. High-tech comme un HTC, high-tech comme un HTC pour la tech. Besoin d'un taux THC à forte dose. Si t'aimes la musique plus, tu risques une overdose. Le game est ouvert, j'voulais dire over. Gardez la pêche et le verre d'eau. Trop peur de me faire doubler, pour ça que j'me trompe peu vers d'autres sociaux. Pourtant, social pour mieux que la pilule t'avale. Pour mieux que la pilule t'avale. Suis pas à la chavale, j'irai pas la vérité si j'm'en si j'te travaille. Pourtant, pas diplômé, surhumain, j'ai du poumon. La réussite, on pas loin du talent comme la pomme du pommier. Si je suis deuxième, j'ferai pas de clash, mais pèterai la balle du premier. Connais le charbon, commencé. C'est un bâtard. Tu crois que je dors? Prendrai tes lots, ton matériel et même ton disque d'or. Pour le plaisir, j'peux pas changer. Si j'pourrais, j'arracherai la montre un joueur fou du Brésil. Je la recèlerai au prix du salaire de Brasil. Celle-là, je l'ai bien placée. Vu apprécié quand je la sers son, ça fait Brésil. Du moins de la peine, j'en ai pas assez. Eh ben, je te répondrai que d'euros non plus. Si chaud drapé avec un verre glacé de repu. La vessie remplie, mais je m'en bats les couilles, je m'arrête plus. Passons, c'est hostile, on n'est pas soi que soi. Mon âme touche du lusty. Les yeux raides, la main verte, noire, c'est pas gros bleu. C'est nos vies, pas les couleurs d'un lusty. Il est chaud, c'est chaud. C'est nos vies, pas les couleurs d'un lusty. Après cette rime, tu diras à le bâtard. Deux facettes, aïe, écoute bien. Je connais, ça c'est que l'intro. Y'a encore 13 musiques, mon frère. Ah, vas-y, on va te faire plaisir, on te régale. Fais tourner, et tranquille, je te dis même pas d'acheter le bordel.